God bless him, man. Minha son Janema, eh, mena bless it. Mena bless us all. Pantalon kula fla, chemise kula saba, ane blue jean complete len, akia olele sonya, mingam na mena blessé, mena blessé, mena blessé mal, mena blessé, mena blessé sal, mena blessé. Mena blessé mal, eh, mena blessé, mena blessé sal. Pantalon pour la flamme, chemise pour la sabbat. Ni blue jean complete link, aka olele sonya. Mingam na mena blessé, mena blessé, mena blessé mal, mena blessé, mena blessé sal, mena blessé, mena blessé mal, eh mena blessé. Bless us all. Madachi, Madachi, metana ye commissaria. Madachi, Madachi, Madachi. Metana ye commissaria, eh, Madachi de. Madachi, Madachi. Metana ye commissaria, oh, Madachi dachi. Mena blessé, mena blessé mal. Mena blessé, mena blessé mal, eh, mena blessé mal, mena liriribade, mena liriribade, Madachi, Madachi. Metana ye commissaria, eh, Madachi de. Madachi, Madachi. Metana ye commissaria, eh, Madachi dachi. Madachi, Madachi. Metana ye commissaria. Madachi de, mena blessé, mena blessé mal, mena blessé sal, mena blessé mal, eh mena liberté, mena blessé mal. Mena blessé mal, mena liberté, mena blessé mal.